C'est Marrakech, bien sûr t'as meuf ça, il laisse tomber, c'est pas la peine. Au quartier y'a plus d'équins, on est tous au bled. Je passerai au Sénégal à côté de Meknes. Des joueurs de ligue, des grossistes en paquet. Ma chasse au Monte Cristo, Ben et au taquet. Demande à Anida, Maroc, Tunisie, Algérie. Salem inévitable, au Brésil, mettez le paquet. Jazzy Rice, c'est salon d'Orkantis, on met le Dawa. Je me rappelle avec son Isola Medina. Agadir, je sirote une canne d'Hawaï. A Gaza avec Radmo, un gosse d'un Gawa. J'ai pas un bas ici. Rouge vert sur le drapeau. C'est pas le Portugal, imbécile. J'pars avec mon équipe, faire du jet ski. Ici les problèmes, on les esquive. C'est mon cocktail et ma chicha. Au platine, Didier Hamida. Du Maghreb à la capitale. Ali Homorani.